3G Prod, du MG 2011. Ok. Hi. Ok, c'est ça. Ok, on la fuit, ma va tranquille. Que le dégoût du vide m'en va et que ton âme ressurgisse. La mort attend, nique les majors, j'utilise les mentors. Car j'existe pas, pas sans que ni loin. Incessif, enfant des rois, à balayer avec ces petits qui font de moi leur clown. Les gueules d'anges, nous battrons et même les patrons montrent le ton. J'te jure, j'te sens, sans la rose, ma plume au parfum d'irable. Putain, c'est très agréable. A bas les six archédictes notables. A bas les six archédictes notables. Les envieux font des gens heureux. A part à le cul, à l'art du crimotus. T'as perdu à l'art team 6. Les envieux font des heureux. Ma parole écrit à l'art du crimotus. T'as perdu à l'art team 6. Les envieux font des heureux. Ma parole écrit à l'art du crimotus. T'as perdu à l'art team 6. Les envieux font des heureux. Ma parole écrit à l'art du crimotus. T'as perdu à l'art team 6. T'as perdu à l'art team 6. Ok. Là où ça tracasse que les gens passent, c'est vite la vie est née dans une bulle, mon cœur basque, c'est sûr que je recule, que les gens sont tendus, entendus par des bruits bizarres, que mon âme soit un fantasme, soit dit, ainsi si font enfant des parents trop cons, venez jouer avec ma gueule, le sable est fin, éteins ta peur, deal avec pile et ma bite, je m'épile, ça use 33 points de mes sutures, voilà ma culture, voilà ma culture, ok. Les envieux font des heureux. Ma parole écrit à l'anticrimotus. T'as perdu à l'artume 6. Les envieux font des heureux. Ma parole écrit à l'anticrimotus. T'as perdu à l'artume 6. Les envieux font des heureux. Ma parole écrit à l'anticrimotus. T'as perdu à l'artume 6. Les envieux font des heureux. Ma parole écrit à l'anticrimotus. T'as perdu à l'artume 6. Les envieux font des heureux. Ma parole écrit à l'anticrimotus, t'as perdu à l'artime 6. Les envieux font des heureux. Ma parole écrit à l'anticrimotus, t'as perdu à l'artime 6. Ouais, c'est Romain Gordon pour 3G Prod. De même, j'ai mis est obscur. Yeah, yeah. Ok.